L'heure média, ça commence. Studec Web. Et bien ça. Studec Web, les infos. L'heure média débarque juste après 2 minutes d'infos avec Morgane Thomas. Bonjour Morgane. Bonjour Adrien et bonjour à tous. Pétain, un grand soldat de la Première Guerre mondiale. Les propos d'Emmanuel Macron provoquent de vives critiques. Une cérémonie d'hommage est prévue samedi aux Invalides. Le Conseil représentatif des institutions juives de France se dit choqué. Jean-Luc Mélenchon, lui, déclare « L'histoire de France n'est pas votre jouet ». Une mauvaise polémique, rétorque le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. La tension monte sur le parcours de commémoration du président de la République aujourd'hui à Charleville-Mézières. De nouveau interpellé au sujet de la hausse du prix des carburants, Emmanuel Macron reste ferme. Mais François Baroin, lui, président des associations des maires de France, le met en garde. Pas question de demander aux collectivités de compenser la perte du pouvoir d'achat liée à l'augmentation, je cite, intenable. Une 6e personne retrouvée sous les décombres à Marseille, 48 heures après l'effondrement de 3 immeubles vétustes rue d'Aubagne dans l'hypercentre. L'accès est désormais interdit dans plusieurs immeubles voisin. Le préfet tiendra une conférence de presse dans 1 heure. Donald Trump, lui, prendra la parole dans 1 demi-heure. Première élocution après les élections de mi-mandat. Les républicains ont renforcé leur présence au Sénat. En revanche, les démocrates ont remporté la Chambre des représentants. Les sénateurs italiens, cette fois, ont voté la confiance sur le décret anti-migrants. Un texte controversé écrit par le chef de la Ligue, Matteo Salvini, un coup d'accélérateur pour l'adoption de cette loi. La droite européenne cherche un chef de file. Le casting se déroule à Helsinki aujourd'hui pour élire leur candidat aux élections. Ce sera le 26 mai prochain et concourir à la présidence de la Commission européenne. Au Yémen, les humanitaires tirent la sonnette d'alarme. La rébellion s'intensifie dans le pays. 40 combattants ont été tués dans les dernières 24 heures. L'armée pro-gouvernementale et l'aide militaire de l'Arabie Saoudite et des Émirats Unis tentent de reprendre les territoires conquis. Et puis deuxième livre et premier prix Goncourt pour Nicolas Mathieu, la plus prestigieuse des récompenses littéraires de France, a été décernée au quadragénaire pour son livre « Leurs enfants après eux » aux éditions Actes Sud. Un livre où les héros adolescents rêvent de foutre le camp. En Ligue des Champions ce soir, rendez-vous à 21h pour le match Lyon-Offenheim. On garde le parapluie cet après-midi, Morgane. Et oui, surtout près des Pyrénées, du Val-de-Saône à la région Rhône-Alpes et sur les Cévennes. Averse également au programme de la Bourgogne à la Champagne. Dans la soirée, de la neige va parsemer les Alpes. Et demain, perturbation en cours, mais elle s'évacue vers le sud-est. Mais le soleil reste timide sur tout le pays. À Paris, on attend du brouillard, on en reparle. Tout de suite, retrouvez l'équipe de l'Heure du Média, pilotée par vous, Adrien. Bien, merci Morgane. Prochain point sur l'actu dans 20 minutes. Ne s'est pas opposé à la diffusion de l'émission que vous allez voir. 16h, 17h. Radio Ganaswinda, bonjour. Robin. Et en plus, c'est un massagiste en or. Adrien. Brigitte, en plus, a résisté à la canicule. Romain. Le seul moment où il y a des gens élégants à télévision, c'est quand on refait le match. L'heure média, c'est de 16h à 17h sur Studec Web. 16h, 17h, c'est l'heure média, la nouvelle émission de décryptage de l'actualité des médias sur Studec Web avec mon équipe composée de Robin. Bonjour Robin. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Tu nous conseilleras quelques films à l'affiche pour tous les passionnés de cinéma qui nous écoutent et tu reviendras aussi sur ce qui s'est passé hier à la télé. Exactement. Grâce au Zap à 16h50. Tu vas affronter aussi dans un petit instant Romain et Kathleen dans le D'accord pas d'accord. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour tout le monde. Et Romain et Kathleen, eh bien vous allez présenter dans un instant le journal des médias à 16h15 pour ne louper aucune info croustillante. Et bonjour à vous, pour ceux qui nous écoutez peut-être pour la première fois sur Studec Web. Si c'est le cas, bienvenue, je me présente Adrien et je suis là pour vous faire passer un bon moment avec les sons Made in Studec Web. Jonas Blue, Therapy Taxi, qui débarque après Ellie Goulding, Close to Me, en feat avec Dua Lipa. C'est Studec Web, bonjour. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't. Cause I'm an animal, animal. too close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you on the private. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timing. And I don't wanna be. Sudek Web avec le son d'Ellie Goulding. Les avis. D'accord, pas d'accord sur Sudek Web. Vous écoutez peut-être pour la première fois le d'accord, pas d'accord. Eh bien, c'est un débat entre les membres de cette équipe. Mais vous aussi, vous pouvez participer hein, chez vous. Rendez-vous dès maintenant sur la page Facebook Sudek Web et sur Twitter avec le hashtag LeurMédia. Aujourd'hui, c'est Stéphane Plaza qui fait parler de lui, comme tous les animateurs de M6. Il ne peut pas aller chez la concurrence, en fait c'est interdit par la chaîne. Pourtant, il s'est quand même rendu sur le tournage de Danse avec les Stars et sa venue a été remarquée par le public. Karine Le Marchand, très proche de l'humoriste Jane Van Jensen, qui participe à Danse avec les Stars, n'avait même pas le droit de le soutenir en personne. Alors ils ont trouvé des solutions pour le faire quand même. Stéphane Plaza avait d'abord joué des coachs sportifs pour Jane Fay, tandis que Karine Le Marchand avait osé se rendre dans les coulisses de l'émission phare de TF1 le 27 octobre dernier. S'il n'avait toutefois pas fait d'apparition en public, les deux amis s'étaient tout de même mis M6 à dos en raison de leur attitude jugée peu corporate. Alors selon vous, mes deux animateurs et la journaliste ici présente Kathleen, la chaîne a-t-elle raison d'interdire ses animateurs de se rendre sur les émissions concurrentes ? Alors moi je dirais, je suis plutôt contre, enfin je suis plutôt pour parce que justement ça permettrait à M6 d'avoir une exclusivité par rapport à TF1. Et d'avoir des émissions que TF1 n'aurait pas, par exemple, que M6, voilà, l'exclusivité. Moi, je pense qu'il y a une différence entre participer à une émission et inclure une émission. Quand je dis participer à une émission, c'est être spectateur et se rendre... excusez-moi, je me suis confondue Il y a trop d'idées qui apparaissent. Éventuellement, est-ce que Romain, est-ce que tu as un avis tranché là-dessus ? Moi, je pense que non. Voilà, les animateurs ont le droit de faire des apparitions chez la concurrence tant qu'ils ne fassent pas polémique. Après, c'est prendre un certain risque parce que dans certaines émissions, comme dans des talk shows, je vais citer Tom Touche pas à mon poste, ils sont là juste pour chercher la petite bête et des dossiers qui ne sont pas forcément bénéfices pour l'animateur. Donc, voilà, mon avis est mitigé. Après, pour le cas de Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, ils n'ont pas participé à des émissions, ils se sont juste rendus sur les coulisses. Donc, il y a une grosse différence entre participer à une émission et être spectateur de cette émission. Donc, je peux comprendre que M6 ne interdise justement ses stars à ne pas se rendre chez ses concurrents, ce qui est totalement compréhensible. Mais après, de là à interdire ces stars à ne pas regarder ou même aller dans les coulisses des émissions, je trouve ça un peu sidérant. Est-ce que éventuellement ça pourrait pas faire, par exemple, de la publicité pour les animateurs d'M6 d'aller sur d'autres émissions très grand public, comme justement Danse avec les Stars, et ramener les chaînes, enfin les téléspectateurs sur les émissions de l'animateur. Si, mais après déjà des émissions qui ont déjà leur public, donc en ramener plus, c'est peut-être pas forcément pas nécessaire. Essentiel, hein. Et Romain, toi, pas forcément, ils sont pas là pour faire leur promo de leur émission quand ils font des apparitions dans ça avec les stars. Ils en ont pas besoin en soi. Voilà. Ils en ont pas besoin. Bah en tout cas. C'est en tout cas ce que se pensent certains d'entre vous, mais surtout Antoine qui nous a écrit un très joli texte. Ça reste la liberté. Si un animateur a envie d'aller quelque part, il a le droit. Personne ne doit l'y interdire, ni même ses animateurs, ses co-animateurs, ni même la chaîne. Alors continuez de réagir sur la page Facebook Studec Web et le Twitter hashtag l'heure média. On lira tous vos messages après le journal des médias. Mais avant, un nouveau titre d'Imagine Dragons qui apparaît dans Origins, le nouvel album du groupe prévu le 9 novembre. Voici Machine sur Studec Web. Imagine Dragons, Machine, en une exclue Studec Web. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence par les audiences télé avant de développer le journal des médias avec Kathleen Benessada. Et oui, on commence par le top 3 des chaînes hertziennes. C'est la série américaine Good Doctors sur TF1 qui remporte la première place avec 5 756 000 de téléspectateurs. Bien juste derrière l'émission phare de M6, La France a un incroyable talent avec 3 953 000 téléspectateurs. Et la troisième place revient à France 2 avec Victor Hugo, Ennemi d'État, avec 2 436 000 de téléspectateurs. C'est au tour du top 3 des chaînes TNT. La première place revient à Énergie 12 avec Le Pic de Dante avec 797 000 téléspectateurs. Le magazine Minute par Minute sur W9 vient juste derrière avec 722 000 téléspectateurs. Ainsi, le film phare Spider-Man sur TFX a réuni 657 000 fans. Comme chaque jour à 16h15, c'est le journal des médias et on commence avec le sommaire. Au sommaire de ce journal des médias, Camille Combal à la présentation de Qui veut gagner des millions. La chaîne NRJ12 annonce une soirée spéciale sur les négociations secrètes autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Et TMC qui a officialisé les noms du présentateur qui va succéder à Alain Chabat dans le jeu culte de Burger Quiz. Et on commence avec une info du Parisien. Vous connaissez tous cette phrase mythique, c'est mon dernier mot Jean-Pierre. Et bien bientôt il faudra dire c'est mon dernier mot Camille. Oui, la direction de TF1 a voulu reconduire l'émission mythique Qui veut gagner des millions avec Jean-Pierre Foucault, mais avec Camille Combal. Ce choix s'est fait avec la direction de TF1 et de Jean-Pierre Foucault. L'animateur a cité dans un tweet en début d'après-midi, dans quelques jours, le retour de Qui veut gagner des millions sur TF1. Et à l'issue de cette première, j'aurai le plaisir de demander à Camille Combal d'animer les suivantes. Heureux d'avoir pris cette décision. Moi aussi, j'ai passé le relais à des anciens et c'est mon dernier mot. De son côté, Camille Combal a indiqué à la presse que c'est impossible de refuser un cadeau pareil, je l'animerai de façon naturelle. Pour l'instant, nous n'avons pas de date de diffusion pour le retour de cette émission. NRJ News annonce une émission spéciale et en direct sur les secrets de l'héritage de Johnny Hallyday le vendredi 30 novembre prochain à 20h55 sur NRJ 12. Diffusera un numéro de l'émission Héritage présenté par Jean-Marc Morandini en direct sur les négociations secrètes autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Et pour finir, TMC qui officialise les noms des présentateurs qui vont succéder à Alain Chabat à la fin du mois. Ils étaient clients, ils deviennent serveurs dès le mercredi 28 novembre prochain. De nouveaux présentateurs viendront remplacer Alain Chabat à l'animation de Burger Quiz sur TMC. Ainsi, la chaîne du groupe TF1 a annoncé en tant que nouveaux animateurs Alexandre Astier, Édouard Baird, Maurice Barthélémy, Jérôme Commandeur, Gérard Damon et Anne de Petrini, Mariana Foïs, et Mathieu Madénian, Manu Payet et Jean-Paul Rouve et aussi Alain Chabat lui-même. Ces noms ne sont toutefois pas une surprise puisque le 26 septembre dernier, la liste des successeurs d'Alain Chabat avait été annoncée à l'occasion d'un nouveau numéro spécial de télé Burger Quiz. L'émission ne prend pas de risque car Alain Chabat avait testé ce concept en 2001-2002 lors de la diffusion de la première saison de Burger Quiz sur Canal+. Alain Chabat ne pouvait plus assurer l'animation de l'émission suite à la promotion du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il avait alors laissé les commandes du jeu à Laurent Baffy, Anne de Petrini, Alexandre Devoise, Gad Elmaleh ou encore à Dominique Farrugia. La production nous a confirmé que si chacun viendrait animer l'émission avec ses invités et son humour, la mécanique de l'émission reste la même. Voilà, c'est la fin de ce journal. Eh bien, fin de ce journal des médias. Le prochain point média, c'est à demain à 16h15. Alors, on a des réactions sur Twitter, notamment un message posté par Hugo. J'en ai marre qu'on utilise le décès d'une personnalité pour faire de l'audience ou des ventes d'albums. C'est un message donc de Hugo en réaction au reportage de NRJ12 sur Johnny Hallyday. Vous êtes de plus en plus nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Ça fait énormément plaisir. On lira tous vos messages dans un instant. Avant ça, vos informations et vos musiques préférées avec Thérapie Taxi. Avec Itzal et votre actu ciné dans un instant, ne bougez pas, vous écoutez Studek Web. Tu veux gagner le pack Studek Web ? Oui ! Tu veux passer une après-midi en studio ? Oui ! Tu veux rencontrer les animateurs ? Ouais ! Mais arrête, tu peux pas gagner toi. Oh ! Mais toi qui nous écoutes, tu peux gagner tout ça en écoutant tous les jours Studek Web et en jouant dans les émissions avec le Go Fast, le Studek au Conva ou encore la marche arrière. Pour participer, c'est très simple. Contacte-nous par message sur la page Facebook Studek Web ou par mail à l'adresse webradio@studioecoledefrance.com. Bonne chance. Studek Web, les infos. Thérapie Taxi arrive dans un instant. Le tour de l'info en deux minutes, c'est avec Johan Guillet. Bonjour, un hommage légitime à un grand soldat. Les propos d'Emmanuel Macron sur le maréchal Pétain ont fait vivement réagir aujourd'hui. Alors que Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, dénonce une mauvaise polémique, le CRIF, le conseiller représentatif des institutions juives de France, se dit choqué. Philippe Pétain a mis en place le régime de Vichy en juillet 1940. Celui-ci a assuré le gouvernement de la France jusqu'en août 1944. Fasciste, antisémite et collaborationniste, Vichy a collaboré officiellement avec l'Allemagne nazie en arrêtant juifs et résistants notamment. À Marseille, un sixième corps, celui d'un homme, a été découvert en fin de matinée sous les décombres des trois immeubles qui se sont effondrés lundi. Les secours reconnaissent que les chances de retrouver des survivants sont très minces. Par crainte d'un effet domino, les immeubles voisins ont été évacués. Le procureur de Marseille, Xavier Tarabeux, tiendra un point presse à 17h. Brexit. Michel Barnier s'est exprimé sur Twitter sur les avancées des négociations avec Londres.

ses yeux des X-Files. T'as mis un pull XL, on voit quand même des lolos. J'pourrais être ton beau gosse, j'pourrais te faire du viscard. T'allumes toutes les flammes et j'suis docile comme un bolos. Ce titre, je le fais tourner en boucle, c'est Thérapie Taxi X-Files sur Studio Web. Mercredi, ciné. Vive le cinéma! Mercredi, c'est ciné avec Robin qui nous donne quelques films à l'affiche et son film coup de cœur. Et oui, à la une au cinéoche, Fabrice Lucchini. D'après une histoire vraie, dans le rôle de Alain, c'est un homme d'affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun à sa manière va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre. Vous allez vous reposer. Je me reposerai quand je serai mort. Monsieur, eh oh, monsieur. Mademoiselle, ça va? Mon père a fait un AVC. Écoutez, c'est pas forcément grave. C'est la zone du langage et de la mémoire qui ont été touchées. On va faire quelques tests. Héliotrope, mardi... Mercantile. Bon, rassure-toi, rien n'est sorti dans la presse. Oh, je te lèche. Faut que j'aille voir la psychopathe. Un film poignant et émouvant et touchant, joué par un excellent acteur qui est Fabrice Lucchini. Ça sort aujourd'hui en salle. À l'affiche également, High Life, avec à l'affiche le beau gosse de Twilight, Robert Pattinson. Il est accompagné par l'actrice française Juliette Binoche dans ce film de science-fiction. Un groupe de criminels condamnés à mort accepte de communier leur peine et de devenir les cobayes d'une mission spatiale en dehors du système solaire, une mission hors norme. Attention, ce film est déconseillé aux seuls au moins de 12 ans. Alors maintenant, il est grand temps que je vous dévoile mon film coup de cœur. On l'attend. Eh oui. Alors cette semaine, je vous emmène dans le Séoul de 1993, où un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom de code Black Venus, chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord. Il infiltre un groupe de dictateurs de Pyeongchang et réussit progressivement à gagner la confiance du parti. Alors pour ce qui est du casting, je ne m'en prononce pas, au risque de mal prononcer tous ces noms sud-coréens. Alors, les envies qui m'ont donné d'aller voir ce film, par le fait que ce soit un film d'espionnage et d'action, et ce film aussi permet de nous faire réfléchir sur l'histoire entre les deux Corées dans le passé et qui ont eu des répercussions en ce moment dans l'actualité. Donc quand même, certaines réponses sont dans ce film sur ce conflit qui dure quand même assez longtemps. Alors ici, autour de cette table, est-ce qu'il y a un film qui vous intéresse? Alors, personnellement, c'est Bohemian Rhapsody hein, qui... Je sais, il est sorti il y a quelques semaines déjà, je dois le c'est voir. C'est pas une nouveauté, ouais, mais apparemment, tout le monde dit que c'est bien. Hein. Oui, je pense que c'est monde... un film extrêmement... C'est vrai qu'effectivement, il y a tout le monde qui est d'accord là-dessus. Même d'ailleurs sur Twitter, hein, il y a Julien qui dit qu'effectivement, il est allé voir Bohemian Rhapsody et que c'était une tuerie. Et toi, Romain, t'aimerais voir quel film en ce moment? Le film coup de cœur de Robin. Ah, le Black Venus. C'est le... ça. J'ai perdu le nom, c'est ça. Oui, c'est bien, ça. C'est aussi que Black Venom, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Eh bien, c'est aussi le cas, eh bien, pour un auditeur qui dit, j'avoue que ça fait longtemps que je suis pas allé au Cinoche. Je crois que le Black Venom peut être cool. Merci Studek pour l'info. Hashtag leur média. D'ailleurs, réagissez-vous aussi. Hashtag leur média. Dans un instant, vous allez pouvoir entendre, eh bien, Jonas Blue qui débarque. Et puis, avec Kenji Girac, le tout nouveau Kenji Girac qui arrive dans un instant. Et puis on va gagner des cadeaux. Effectivement, on va jouer, on va gagner des cadeaux avec eh bien qu'est-ce qu'il y a dans le pack Studek Web? Dans le pack Studek Web, vous avez un mug, des stickers, une photo dédicacée de l'équipe et le cadeau ultime que tout le monde n'a pas, assister à l'émission. C'est énorme. Dans un instant, il y a le C qui sait quoi, hein, je vous le rappelle. Hein, maintenant, vous pouvez vous inscrire, envoyer dès maintenant un mail à heuremedia@studekweb.com. Et puis, dans un instant, il y aura aussi un média avec toi, Romain. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur l'émission que tu vas présenter? C'est une émission culte de TF1. Si je vous dis La Vitrine, ça vous dit quelque chose? Ah bah oui, Le Juste Prix. Le Juste Prix, effectivement. Qui a été présenté dernièrement par Vincent Lagalfe. Mm-hmm. Et bien, on vous en dira plus dans quelques minutes. Effectivement, on vous en dira plus dans un instant. Et si on passait justement au C'est qui, c'est quoi? Saurez-vous retrouver l'animateur et son émission? Le C'est qui, c'est quoi sur Studek Web. Alors pour le C'est qui, c'est quoi, c'est le moment de jouer sur StudiaQuab. Tentez de gagner votre pack StudiaQuab, hein, vous inscrivant dès maintenant par mail à heure.heuremedia@studiaqueweb.com. Comme Jérémy de Dijon et Marie de Nantes qui ont été sélectionnés aujourd'hui et vont être représentés par nos chroniqueurs. Romain, tu joues pour Marie et Robin pour Jérémy. Oui. Je vous rappelle le principe, nos chroniqueurs vont devoir deviner quel animateur se cache derrière cet extrait. Gérard Junior était exceptionnel dans cette épreuve. C'est bien dans les réponses quand on a, quand la réponse est jouée aussi. Ça faisait partie, effectivement, là, le jeu donne la différence dans le, enfin, le jeu d'acteur donne la différence. Et alors, vous allez tenter, toute l'équipe là, de retrouver qui se cache derrière ces mots. Alors, je vous donne un petit indice. Effectivement, on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Jouez dès maintenant, là, inscrivez-vous pour éventuellement demain tenter de gagner le pack StudiaQuab, heuremedia@studiaqueweb.com. On revient dans un instant, vous écoutez StudiaQuab. Dans moins d'une demi-heure, vous retrouvez le drive de StudiaQuab, présenté par Rémi, Dove et Romain. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'Aaron Van Helden, son parcours et ses anecdotes. Ça se passera dans le Vinyl Story. Des idées de sortie près de chez vous et des bons plans sont au programme. Et également des cadeaux, notamment avec le jeu de la marche arrière, où vous pouvez tenter de remporter votre pack StudiaQuab. Avec tous les hits de StudiaQuab, alors rendez-vous tout à l'heure, 17h, sur StudiaQuab. Saurez-vous retrouver l'animateur et son émission ? Le C'est qui, c'est quoi sur StudiaQuab ? Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle le principe, nos chroniqueurs vont devoir deviner quel animateur se cache derrière cet extrait. Gérard Junior était exceptionnel dans cette épreuve. C'est bien dans les réponses quand on a, quand la réponse est jouée aussi. Ça faisait partie, effectivement, là, le jeu donne la différence dans le, enfin, le jeu d'acteur donne la différence. Alors, maintenant, alors, à vous de poser vos questions. Alors, il est en radio ou pas ? Est-ce qu'on peut l'entendre à la radio ? Là, on l'a. Donc là, c'était un extrait effectivement de la radio, mais il n'est pas animateur radio, non. Ah. Il est chanteur ? C'est pas un chanteur. Un acteur ? Il est aussi acteur. Réalisateur aussi ? Il est aussi réalisateur. On peut le voir à la télé ? Vous pouvez le voir à la télé, effectivement. Il réalise quel genre de des films d'action plus qu'il fait ? Plutôt des comédies. On peut le voir dans quel film ? Ah bah ça je vais pas vous dire non plus. Ça c'est trop simple. Est-ce qu'il a fait partie de la bande Les Nuls ? Il a fait partie de la bande des Les Nuls, pardon. Et donc oui Robin. Didier Bourdon non ? Pas du tout. Je tente. Bon alors on va réécouter l'extrait. Gérard Junior était exceptionnel dans cette épreuve. C'est bien dans les réponses quand on a, quand la réponse est jouée aussi. Ça faisait partie, effectivement, là, le jeu donne la différence dans le, enfin, le jeu d'acteur donne la différence. Alors, j'ai donné une mauvaise information, pardon, je suis désolé. Robin, tu avais raison, on l'entend à la radio. D'accord, ok. Donc, éventuellement, quelques propositions. Jean-Paul Rouve? Non plus. Il est jeune ou il est vieux ? Enfin, il est. Alors, il est plutôt vieux, effectivement. D'accord. Enfin, il est. On va dire, il a quoi ? Il a 40 ans, donc vieux. Il a joué dans. Vraiment. Il a joué dans beaucoup de films. Il a joué dans des films, oui, c'est ça. Il a joué dans des films français, effectivement, dans des comédies françaises. Co-françaises. Ouais. Est-ce qu'on l'a vu sur les pistes du Marsupilami ? Effectivement, oui. Est-ce qu'il est revenu avec une émission culte sur TMC ? Oui. Je pense avoir trouvé, je pense que c'est Alain Chabat. Effectivement, c'est Alain Chabat, on va écouter l'extrait en vrai. Gérard Junior était exceptionnel dans cette épreuve. C'est bien dans les réponses quand, quand la réponse est jouée aussi. Ça faisait partie, effectivement, là, le jeu donne la différence, le jeu d'acteur donne la différence. On en a parlé hein, d'ailleurs dans le journal des médias, puisqu'il va être remplacé par Jérôme Commandeur et Gérard Darmon dans la présentation de Burger Quiz. Allez-vous, donc du coup, c'est qui ? Bah, c'est Marie qui a gagné son pack StudiQuab. Bravo à toi. Donc bravo, et puis on t'envoie un petit message juste après l'émission. Et puis vous aussi, hein, tentez de gagner le pack StudiQuab. Inscrivez-vous par mail dès maintenant à heuremedia@studiaqueweb.com. Et vous pourrez peut-être jouer avec nous demain. Dans un instant, on revient pour Le Juste Prix, une émission culte qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. Et ça arrive juste après Jonas Blue, Rise, sur StudiQuab. We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom. Jonas Blue et Jack and Jack. Une année, un média. Comme chaque jour sur StudiaQueb, on vous replonge dans une émission culte et aujourd'hui on s'intéresse à une émission de 1987. Et oui, aujourd'hui je me suis intéressé à un jeu culte américain qui a été adapté en France par TF1, Le Juste Prix. Ça a été diffusé entre le 13 décembre 1987 au 31 août 2001, puis du 27 juillet 2009 au 10 avril 2015. Il a été animé par Marc Meignier, Eric Galliano, Patrick Roy, Philippe Risoli et Vincent Lagaffe et ses gaffettes. Quel était le but de ce jeu? Le jeu consiste à évaluer correctement le prix de divers biens de consommation et se déroule en plusieurs étapes avec des gains potentiels croissants. En début d'émission, 4 candidats sont appelés du public par la voix off, puis l'animateur arrive par une porte. Un cadeau de sélection est présenté aux 4 candidats et chacun des candidats estimait le prix du cadeau. Le candidat le plus proche du prix était sélectionné. Le candidat qui avait le juste prix, il remportait un chèque de 1000 euros. Après sélection, les candidats effectuaient des mini-jeux comme le dessus-dessous, le doublé gagnant, le jukebox, le mini-golf, le doublé gagnant. Cela permettait aux candidats de remporter des cadeaux et une somme d'argent et d'aller affronter la finale. Avant la finale, il y avait la roue. Le but de cette épreuve était de réaliser le score le plus élevé à partir d'une roue composée de 20 sections, portant des chiffres allant de 5 en 5, entre 5 et 100, répartis dans le désordre. Le candidat fait tourner la roue une première fois. Si le score lui paraît insuffisant, il la faisait tourner une deuxième fois, mais les deux scores sont additionnés. Dans ce cas, le candidat avec le plus grand nombre allait en finale. Cependant, si le candidat dépassait les 100, il a perdu. En cas d'égalité, les candidats concernés relançaient une roue une seule fois et jusqu'à en finisse. Une fois de cette épreuve terminée, on passait à l'épreuve de la vitrine. Le principe de cette finale est d'estimer le montant de la vitrine composée de cadeaux d'une valeur importante. La finale se déroule à la manière des jeux des 30 secondes. Le ou la finaliste disposait d'un temps limité de 30 secondes pour déterminer le prix de la vitrine à l'euro près. Il est alors guidé par les informations de l'animateur qui répond à chacune de ses propositions par c'est plus ou c'est moins afin de le guider vers le juste prix. Ce dernier ne peut pas excéder les 50 000 euros. L'émission s'est éteinte le 10 avril 2015 pour permettre à l'arrivée de Money Drop, présenté par Laurence Boccolini. Le jeu reviendra-t-il à la télévision? TF1 avait répondu dans une interview pour Téléstar que le jeu ne disparaît pas car c'est une marque forte de la chaîne. Nous avons demandé au producteur de retravailler le concept et de dynamiser un peu et d'importer encore quelques ajustements. Si vous n'avez pas regardé la télé hier soir, si vous avez loupé des moments drôles, tristes, dégoûtants, choquants du petit écran, ne vous inquiétez pas, on l'a fait pour vous, le zap de Studek Web, après Kenji, mais juste avant, c'est 2 minutes d'info. Studek Web, les infos. Morgane Thomas pour nous décrypter l'actualité en moins de 2 minutes. Effectivement Adrien, bonjour à tous. La colère sombre des habitants du quartier de Noailles à Marseille. Une 6e victime a été retrouvée à la mi-journée sous les décombres des 3 immeubles effondrés lundi. Plusieurs autres bâtiments ont été évacués. Désabusés, les riverains dénoncent la vétusté des habitations. Le préfet doit prendre la parole dans une vingtaine de minutes. Lui s'exprime en ce moment même. Donald Trump tient sa première conférence de presse depuis les élections de mi-mandat, qu'il qualifie d'immense succès. C'est tout de même une cohabitation entre républicains et démocrates après que le Parti bleu a repris la Chambre des représentants. Trump qui rencontrera Poutine ce dimanche à Paris, une discussion brève malgré des relations tendues. Samedi, une cérémonie d'hommage est prévue aux Invalides, hommage aux soldats de la bataille de Verdun et hommage à Pétain. Une décision d'Emmanuel Macron critiquée de toutes parts. L'histoire de France n'est pas votre jouet, a notamment rétorqué Jean-Luc Mélenchon. Hausse des prix des carburants, la grogne s'installe aussi du côté des élus. François Baroin, président de l'Association des maires de France, met en garde le chef d'État. Pas question de demander aux collectivités de compenser la perte du pouvoir d'achat. Besoin alimentaire urgent en Centrafrique. 2 millions de personnes nécessitent une action urgente. C'est la pire situation depuis 4 ans, selon l'ONU. Deuxième livre et premier prix Goncourt pour Nicolas Mathieu, la plus prestigieuse des récompenses littéraires de France décernée aux quadragénaires pour son livre « Leurs enfants après eux » aux éditions Actes Sud, un roman d'apprentissage sur l'adolescence et sur la route du Rhum, on part sur la mer. François Gabart reste en tête, suivi de François Joyon et Romain Pillard. Prix réduit pour remplir le stade du 15 de France. Samedi, les Bleus affrontent l'Afrique du Sud, mais le public semble bouder le ballon ovale. Et puis en Ligue des Champions, rendez-vous à 21h pour le match Lyon-Hoffenheim. On jette un coup d'œil au temps maintenant. L'est du pays reste sous la pluie. La perturbation vous arrose copieusement du Val-de-Saône au Rhône-Alpes et sur les Cévennes également. Dans la soirée, de la neige va parsemer les Alpes à partir de 1800 mètres d'altitude. Demain, la pluie persistera sur l'est de la vallée du Rhône et sur le Mercantour. À Paris, on attend même du brouillard dans la matinée. Le thermomètre affichera entre 1 et 7 degrés pour les minimales et jusqu'à 14 degrés près de la Méditerranée. Merci Morgane. Prochain point sur l'actualité à 17h. Studec, l'infotrafic. Sur la route, est-ce que le trafic commence à s'intensifier? Alors, toujours des bouchons sur le périphérique intérieur, vers le nord-ouest à Paris, de Porte d'Orléans à Porte d'Auteuil. Le trafic routier reste majoritairement fluide. Attention, obstacle encombrant toute une partie de la chaussée sur le boulevard Adolphe Pinard vers l'est à Malakoff sur 150 mètres. Sur votre route, sur le 5, un véhicule en panne vers l'est à Paris sur 50 mètres. Un peu plus loin, un véhicule arrêté en panne sur le quai André Citroën vers le nord-est à Paris sur 50 mètres également. Plusieurs obstacles sur le boulevard périphérique vers le nord-est à Paris entre Porte Maillot et Porte de Clichy. Dans le 13e arrondissement, un véhicule en panne sur le boulevard Diderot vers l'est à Paris sur 150 mètres. Faites attention si vous êtes aux alentours du 9e et 10e arrondissement, le trafic commence à ralentir. Merci Kathleen, bon courage à ceux qui sont sur la route. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. on passe à pleurer sa mancelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. C'est que cette musique, on va pas l'oublier. Kenji Girac sur Studio Web. Este domingo solo por Univision. Ah là là, y a vraiment rien à la télé, c'est chiant. Ah mais attends, y a Zap TV sur Studio Web. Vous avez loupé quelque chose à la télé hier soir, c'est pas grave, Robin l'a regardé pour vous. Oui, et on commence avec Cyril Ferro dans le jeu de lettres de l'après-midi slam. Il nous parle de l'un de ses tics de langage qui fait réagir aussi sur les réseaux sociaux. Une expression que vous détestez, c'est quand on dit du coup. Du coup, dans la... je le dis moi ou pas? Je le dis un peu, je crois. J'ai pas l'impression. Non, moi c'est en fait. J'ai un gros problème avec en fait. Je suis désolé, je le dis très souvent. C'est un peu mieux. Et ça m'énerve quand je regarde la télé de me voir dire en fait. Il y a un monsieur qui m'écrit sur Twitter régulièrement pour m'insulter, hein, comme des tas de gens très sympathiques sur Twitter, pour me dire arrêtez de dire en fait, vous êtes insupportable, etc. En fait, je vais faire ce que je peux pour arrêter. Continue. On passe maintenant à la France a un incroyable talent. Oui, hier soir sur M6, on avait en première partie de soirée La France a un incroyable talent. La suite des auditions et les membres du jury ont été époustouflés devant la prestation de Jean-Baptiste, sosie de Johnny Hallyday. Oh Marie, si tu savais, oh la vache, tout le mal que l'on me fait. Et après sa prestation, on vous laisse écouter la réaction d'un des juges. Quand j'ouvre les yeux, j'ai plaisir à te découvrir sur scène, en fait. Je trouve que t'as une présence, oui, t'as quelque chose dans beau, leur regard. C'est vrai, les filles disent t'es beau gosse, c'est vrai, c'est l'évidence, mais c'est au-delà de ça. Il y a quelque chose de très habité chez toi. T'es beaucoup plus que juste une voix, t'es un artiste, un vrai artiste. Voilà, bravo. On finit avec de l'humour, Robin. Oui, on termine ce zap par la perle rare que j'ai trouvée. Ce que j'ai trouvé de mieux, c'est l'animateur de M6, Jérôme Anthony, qui nous chante du Michel Delpech. Écoutez plutôt. C'était bien chez Lorette quand on faisait la fête. Elle venait vers nous, Lorette. Alors voilà, c'est tout pour ce nouveau Zap TV. Alors est-ce que ça vous a plu, Adrien? Effectivement, bah, cette chanson elle vous plaît quand même. Ouais, hein, c'est vraiment de la haute. C'est vrai qu'il y a une très haute prestation, notamment. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé la Johnny. On a l'impression que c'est l'artiste. Moi quand je l'ai écouté, c'est un truc de dingue. Dans un instant aussi, tu nous parleras, Robin, et bien justement de ce qui se passera à la télé. Ce soir, oui. Et qu'est-ce qu'il y aura justement? Est-ce que tu On pourra parler de TF1 et Esprit Criminel. On aura aussi bien évidemment M6 avec le meilleur pâtissier. Et on vous oui, vous avez l'habitude, sur France 5, la grande librairie. On vous en parlera après. Dans tous les cas, eh bien, tu restes là et puis tu nous le passeras dans un instant. Et Lady Gaga qui débarque sur Studiac Web. Vous avez toujours un coup de mou après le déjeuner ? On a trouvé la solution pour vous motiver. Fini la sieste, fini le café, de 14h à 15h sur Studiac Web, on vous offre votre deuxième réveil de la journée. Au programme, des infos vraies ou fausses, et parfois inutiles, le dose du jour pour débattre ensemble, et en fin d'émission, vous pourrez tenter de gagner un pack Studiac Web et une photo dédicacée par toute l'équipe en venant trouver un mot au jeu du booster. Le coup de boost, c'est demain de 14h à 15h sur Studiac Web. Vous écoutez Studec Web, c'est leur média. On répond à vos questions dans un petit instant. Mais juste avant, Robin nous a sélectionné ce qu'on ne doit pas louper ce soir. Avec sur TF1, un épisode inédit de la série Esprit Criminel, craignant une attaque bioterroriste après plusieurs décès suspects, le Centre pour le contrôle et la prévention des malades de l'attentat font appel à l'équipe. Sinon sur M6. Comment donner un sens à notre existence ? La réponse. Sinon sur M6, tout autre programme avec la demi-finale du meilleur pâtissier qui sera placée sous le signe de l'amour. Ils devront notamment réinterpréter visuellement et gustativement la poire Belle Hélène. Enfin, les concurrents devront réaliser une épreuve technique et créative où ils devront confectionner les gâteaux censés plaire à leurs proches. Les trois meilleurs candidats seront qualifiés pour la finale de la semaine prochaine. Pour les amoureux de littérature, vous en avez désormais l'habitude. Sur France 5, c'est la grande librairie où le journaliste François Bunel accueille les auteurs, les écrivains, les dramaturges qui sont invités à prendre chacun le temps de s'exprimer, ainsi de faire aimer aux plus jeunes le goût de la littérature. Comment donner un sens à notre existence ? La réponse se trouve-t-elle dans les mystères de l'au-delà ou alors au détour d'une rencontre miraculeuse, mais ici-bas ? La vie, l'amour, la mort, mais également la danse ou la musique et le cerveau, en compagnie des écrivains Jean-Claude Carrière et Yann Kefelec, avec eux, la neurobiologiste Lucie Vincent et la pianiste Claire-Marie Le Guay. Côté TNT, on peut vous proposer la toute nouvelle série Access de Ahmed Silla. Il joue le rôle de Yanis qui fait ses premiers pas dans l'émission. Sketch est associé et doit faire face au scepticisme de ses collègues. Une interview le met en difficulté. Retrouvez donc les trois premiers épisodes de cette série à 21h10, juste après Touche pas à mon poste. Moi je vais t'emmener au sommet de la montagne. Là où il y a les DiCaprio, les De Niro, les Pacino, toute l'équipe. Yannis, si tu veux jouer une femme, il faut que tu sois une femme. Tu veux être une femme ? Oui, je veux être une femme. J'ai pas entendu. Tu veux être une femme ? Oui, je veux être une femme. J'ai pas entendu. Tu veux être une femme ? Oui, je veux être une femme ! T'es une femme ? Oui, je suis une femme ! T'es une femme ! Je suis une femme ! Voilà ! Je suis une femme ! Ouais. Enfin, si aucun de ces programmes ne vous plaît, laissez tomber et branchez-vous sur TMC pour l'émission de divertissement d'Al Shabaab Burger Quiz avec comme invité Fabrice Eboué et Vincent Lacoste. Alors ici, qu'est-ce que vous allez regarder autour de cette table ? Bah, tu viens de le dire, Burger Quiz. Je suis fan de Burger Quiz. Ok, et toi Romain ? La même chose, Burger Quiz. D'accord, bon bah c'est... la vie est tranchée du coup. Voilà. Allez, on répond à vos questions tout de suite. Vous êtes les acteurs de leurs médias. On répond à vos interrogations. Une question, une interrogation sur le fonctionnement des médias. Posez-nous la question sur Facebook et Romain vous y répondra. Et on a une question de Daniel qui nous demande pourquoi les radios comme Europe 1, RTL ou Énergie n'ont pas une unique fréquence. Et bien la raison est très simple, c'est une raison technique. Lorsque deux émetteurs émettant avec la même fréquence qui se trouvent proches, il y a un risque de brouillage ou d'interférence. Notre question de Julie de Mont-de-Marsan qui nous dit pourquoi on dit que la Tour Eiffel est une antenne. Et bien car c'est une bonne partie des antennes de radio parisienne 32 qui émet pour la TNT qui émet depuis la Tour Eiffel. Une autre question, une question de Jacques qui nous demande comment est mesurée l'audience télé. Ben c'est un panel représentatif qui ont sur leur téléviseur un équipement qui s'appelle un audiomètre qui permet de capter le signal audio. Et enfin, Julien de Nancy qui nous demande qu'est-ce que le DAB+. Alors, ce n'est pas une chorégraphie, mais la radio numérique terrestre. Les avantages sont nombreux. Vous pourrez recevoir plus de radio. Elle sera complémentaire à la FM et vous pourrez profiter d'une meilleure qualité sonore, plus claire et sans brouillage. Et petite info, la RNT est aimée à Nancy. Eh bien, si vous aussi vous avez des questions, on y répondra demain. Alors, n'hésitez pas. Dès maintenant, c'est possible. Vous pouvez nous les faire parvenir par Facebook ou Twitter avec le hashtag HeureMédia, car c'est aussi vos médias. On y répondra demain, car oui, il est presque 17h et c'est l'heure quasiment d'accueillir l'équipe du Grand Prime Studex. C'est le GPS pour vous accompagner sur la route du travail. Il y aura le plein phare, donc avec les prix des littératures et le vinyle story où ils vont retrouver, enfin vous allez pouvoir retrouver Eh bien, la... Alors, là, je vois qu'il y a... L'équipe du GPS qui est en train d'encore d'encore. Ils arrivent, en tout cas, ils arrivent dans le studio. Et donc, justement, Robin va pouvoir nous parler du Vinyl Story dans un instant, puisque vous allez pouvoir retrouver l'histoire, en fait, d'une musique et d'un artiste. En tout cas, je vous dis au revoir à mon équipe. Merci à l'équipe technique aussi, qui est derrière, on ne les entend pas souvent. Merci à la journaliste. Merci, merci à toi. À Kathleen. Et, merci à toi, Adrien. Merci à Robin, merci à Romain. Et on se retrouve. Attends, peut-être, on va peut-être voir avec notre ami Robin. Le programme de l'émission. Et qu'on appelle Dove, pardon. Ouais. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir. Excusez-moi de mon retard. Mais je suis là, je suis bien là pour lancer le Grand Prime Sudec, le GPS. On t'a vu dans la cafette. Hein. Alors, dans oui, j'ai pris un petit peu. Laissez-moi respirer un petit peu. Dans un instant, vous aurez donc une chronique qui s'appelle donc Le Plein Phare. Donc, il va parler de littérature. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'artiste, enfin, sur l'artiste du Vinyl Story? Sur l'auteur. De Plein Phare. Alors on va pas parler d'un auteur. C'est Rémi qui va nous parler un peu littérature. Je ne sais pas encore ce qu'il a prévu, mais connaissant Rémi, il faut ça, écouter ça. Ça va être ça, très bon en tout cas. Allez, on retrouve tout ça dans un instant après Lady Gaga qui vient de sortir son film documentaire sur sa vie avec son classique Poker Face. Il y a une petite anecdote d'ailleurs pour cette musique. Elle annonce sa bisexualité à son copain. Est-ce que vous saviez qu'elle annonçait sa bisexualité à son copain dans Poker Face? De toute façon, c'est pas étonnant, Lady Gaga, elle est tellement, bizarre que... Mais tu sais que moi, je l'adore, Lady Gaga. C'est ouais, ah oui, j'adore, ah oui, après... Et elle dénonce énormément de choses, notamment sur la pop culture. Elle a fait un très bon film, d'ailleurs. Donc, oui. Star is Born. Oui, c'est exactement son film Star is Born. Poker Face qui débarque, Lady Gaga sur Sudek Web. Et après, vous retrouvez le Grand Prime Sudek. Poker face, poker face.